Exercice 4, page 60. A. U. Ou. B. Bu. Bou. C. Tu. Tout. D. Vu. Vous. E. Jus. Joue. F. Bûche. Bouche. G. Pull. Poule. H. Pur. Pour. I. Sûr. Sourd. J. Russe. Rousse.